Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le 19 octobre 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi estime qu'il faut un peu de temps pour voir l'impact des mesures récemment prises par la Banque centrale. Dans une conférence de presse hier, Olivier Suguru s'est montré confiant quant à la chute des prix dans les jours à venir. Vous l'entendrez. En faible revenu et les conflits familiaux, voilà les conséquences liées à la limitation de la zone de circulation des motards, conducteurs de vélos et tuk-tuk en mairie de Bujumbura, 7 mois après sa mise en application. Explication avec un professeur d'université dans ce journal. Les relations conflictuelles entre les personnes et leur résolution pacifique, voilà l'objet de la chronique sur les messages de haine. Ce sera la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire, les mesures annoncées récemment par la Banque centrale de rouvrir les bureaux de change et de lever les interdictions sur les transferts d'argent seront effectives après leur mise en application. Réagissant sur la hausse des prix des produits Braoudi et Bousseco au cours d'une conférence de presse animée ce mardi, le président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi a indiqué qu'il faut un peu de temps. Olivier Suguru a expliqué que l'impact de ces mesures va se faire sentir au fur et à mesure et rester confiant que les prix vont commencer à baisser dans les jours à venir. On l'écoute. Cette mesure qui vient d'être annoncée aujourd'hui n'est pas encore en application. C'est une annonce qui a été déjà envoyée par la Banque centrale, mais les retombées positives de ces mesures ne sont pas encore faites sentir sur le marché, ce qui fait que la pression qui existait encore avant l'augmentation de ces prix sur le marché, il n'y a pas encore de l'impact de ces mesures pour qu'elles puissent renflouer les caisses afin d'importer matières premières qui étaient déjà en situation de montage pour qu'ils puissent importer avec des prix moins chers. Donc il faudra attendre encore une fois quelques temps pour mettre en application ces mesures et on va assister au fur et à mesure. Il y aura d'autres mesures d'accompagnement, mais déjà c'est la manière dont la BRB a déjà annoncé, vous avez vu que sur le marché parallèle, la devise a baissé le même jour. Espérons que très prochainement il y aura des retombées positives et que le jour où ils auront plus de devises à moins cher, qu'ils vont encore une fois baisser les prix. Mais c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas seulement une seule mesure. Il y aura aussi d'autres mesures d'accompagnement, comme je l'ai dit. Il faut augmenter la production. Il faut la gouvernance. Il y a aussi d'autres mesures qui seront prises, notamment renflouer et accroître le commerce transfrontalier et supprimer les barrières non tarifaires. Et nous saluons aujourd'hui d'abord les premières mesures qui montrent déjà la volonté du gouvernement de mettre en application des réformes macroéconomiques. Olivier Suguru, c'est le président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi. Je venais de vous le dire dans les titres, un faible revenu et les conflits familiaux sont des conséquences liées à la limitation de la zone de circulation des motards, conducteurs de vélos et tuk-tuk en mairie de Bujumbura. La mesure a été prise il y a de cela 7 mois. Et constat d'un professeur d'université du Burundi et spécialiste en management des projets de développement, Jean-Marie Vianney Dorichimhaye, regrette que, malgré la hausse du prix du transport dans certains endroits, le revenu de ses conducteurs reste faible. Et néanmoins, ce spécialiste affirme que la mesure a facilité la circulation, notamment des voitures, dans la zone interdite de ces engins. C'était une mesure qui n'était pas mauvaise parce qu'elle visait la circulation libre, minimiser les accidents qui sont observés ça et là. Et aussi, ça permettait à prendre certains axes plus assainis, plus libres. En tout cas, selon moi, même si beaucoup n'ont pas compris, en tout cas, j'avais compris que c'était une mesure vraiment de développement. Malheureusement, peut-être qui a été prise dans une mauvaise période. Après 7 mois, qu'est-ce que nous constatons? En tout cas, moi, j'ai eu à échanger avec les motards, etc. Alors, c'est clair, les dépenses ont été quelquefois majorées parce que quand nous essayons d'analyser au marché, on a senti que tout a monté. Chacun disait le déplacement maintenant est dur. Dans les quartiers, ce n'était pas facile. Au niveau du pouvoir d'achat, il y a certains qui ont trouvé qu'ils avaient des difficultés pour d'abord avoir les fonds qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Par exemple, certains motards qui circulaient presque partout avaient maintenant des limites, ce qui rendait vraiment la vie difficile, surtout au niveau du pouvoir d'achat. Au niveau économique aussi, il y a eu malheureusement certaines personnes qui ont profité pour en même temps gagner plus que les autres. Là, je dis, par exemple, au niveau du carburant, certains qui vendaient le carburant dans des marchés noirs, ce qui faisait qu'à ce moment-là, que ce soit les motards, que ce soit ceux qui conduisent les tricycles, profitaient aussi de cette occasion pour dire nous augmentons les coûts de transport parce que le carburant aussi coûtait cher. Alors, du point de vue social, l'impact social vraiment aussi est là. Parce que quand le revenu est touché, la vie sociale aussi est touchée. Souvent, ceux qui conduisent ces trois types d'engins, ce sont des hommes. La majorité, vraiment presque 100%, ce sont des hommes qui conduisent ces engins-là. Alors, ça veut dire que ce sont eux qui financent les ménages, qui financent leurs familles. Alors, il a été constaté que certains ménages ont été dû revoir leur manière de gérer. Il y a des femmes qui ont été renvoyées à l'intérieur du pays. Il y a même des conducteurs de ces engins qui ont été obligés de quitter la ville et retourner en province. Ce qui peut être négatif ou positif, selon le côté là où on se place. Alors, du point de vue vie sociale, bien sûr que cette mesure a dérangé beaucoup de familles. Et, par exemple, les paiements des frais de scolarité des enfants, le paiement de la ration alimentaire. Et à ce moment, ça a dérangé. Donc, quelque part en famille, les gens se sentaient mal à l'aise. Jean-Marie Vianney Ndoritchimaï est professeur d'université, spécialiste en management des projets. Il vient de le dire, certains taxis motards ou conducteurs de vélo ont dû quitter Bujumbura pour aller à l'intérieur du pays. Et les motocyclistes qui exerçaient leurs activités de transport en ville de Bujumbura ces derniers mois, avant qu'on ne leur interdise l'accès à certains endroits et prestant actuellement à Kayanza, disent qu'ils travaillent à perte. Ils font savoir qu'à Bujumbura, ils pouvaient gagner 30 000 francs par jour, mais qu'aujourd'hui, à Kayanza, ils ne gagnent que 10 000 à 15 000 francs burundais. Ces taximotards souhaitent la révision de cette mesure par les services habilités de Kayanza. Nous appelons notre correspondant Patrick Nsengeyomva. Certains de ces conducteurs en moto avec lesquels nous sommes entretenus indiquent que non seulement aujourd'hui à Kayanza ils travaillent à perte, mais aussi que les motocyclistes en cette province se sont beaucoup multipliés. L'un de ces motocyclistes qui exerçait l'activité de transport en moto dans la ville de Bujumbura ces derniers mois témoigne que là-bas, en moyenne, il gagnait par jour 30 000 et qu'aujourd'hui à Kayanza, il ne gagne qu'entre 10 et 15 000. L'autre contacté à ce sujet fait savoir que lui, à Bujumbura, il pouvait gagner 50 000 le week-end, du moment qu'à Kayanza, il ne gagne qu'entre 17 et 20 000, regrette-t-il. Ces motocyclistes indiquent que l'autre cause de gagner peu à Kayanza est qu'il passe beaucoup du temps à la recherche des passagers et regrette la consommation du carburant pour rien. Ces conducteurs en moto demandent aux instances habilitées de revoir des mesures interdisant des motos, des vélos et des tricycles à arriver dans certains endroits de la ville de Bujumbura. Comme ça précise-t-il, ils auront l'occasion de retourner en ville de Bujumbura pour y exercer le transport à moto et gagner plus qu'à Kayanza. Ces mesures interdisant ces engins à arriver dans certains endroits de la ville de Bujumbura ont été prises depuis mars en courant. Depuis Kayanza, Patrick Senguva pour la radio Isanganilo. Actualité internationale. Les habitants de Zarzis, ville côtière du sud-ouest tunisien, ont manifesté hier mardi 18 octobre à l'appel à la grève de l'UGTT, Union Générale des Travailleurs Tunisiens, ainsi que de plusieurs autres ONG et associations. La grève a paralysé la ville. Les manifestants réclamaient la vérité sur la disparition de 18 personnes en mer il y a un mois en tentant de migrer. Les détails avec Evariste Nzikiwanyana qui va nous parler aussi de la destitution du ministre des Affaires étrangères au Madagascar et les inquiétudes sur l'organisation des présidentielles en RDC l'année prochaine en 2023. Entre 4 000 et 5 000 manifestants tunisiens ont défilé hier mardi, réclamant la vérité sur la disparition de 18 personnes en mer il y a un mois en tentant de migrer. Ils ont protesté également contre le laxisme des autorités et le dysfonctionnement dans la gestion de ce drame. Les manifestants ont marché sur la principale avenue de Zarzis, brandissant des slogans comme « Rendez-nous nos enfants ». Au-delà du drame du naufrage du 26 septembre, cette grève générale semble être aussi une manière de protester contre le président tunisien qui s'est octroyé tous les pouvoirs. Au Madagascar, Richard Randriamandrato avait été nommé en mars dernier à la tête du ministère des Affaires étrangères malgache. Ce mardi, il a été limogé sur décision du président Rajoelina. Il lui est reproché d'avoir pris seul la décision de voter en faveur de de la résolution de l'ONU condamnant les annexions illégales de la Russie en Ukraine, alors que Madagascar a toujours revendiqué faire partie des pays non alignés. Présidentielle en RDC, si on respecte les délais, c'est clair et qu'on aura des résultats bâclés, selon Étienne Batoumile. Inquiétude au Congo-Kinshasa en vue des élections de décembre 2023 pour le groupe d'études sur le Congo et l'Institut congolais de recherche Ebouteli. Le respect des délais est un enjeu moins important que la transparence du processus électoral. Les deux centres de recherche l'affirment dans un bouquet commun qu'ils ont présenté hier mardi sous le titre « J'ouvre les guillemets, élection à l'ère de Tshisekedi et mauvais départ, je ferme les guillemets ». Et c'est une question qu'il se pose, il y a un point d'interrogation. Et pour être un peu plus complet sur l'actualité internationale, avant la chronique sur les messages des haines, c'est un pas de plus vers un retour en Côte d'Ivoire pour Charles Blégoudé, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, a selon son parti Conseil pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour qu'il puisse rentrer au pays. D'après un communiqué du COGEP, lu par RFI le 30 septembre dernier, Les autorités ivoiriennes ont formellement donné leur accord par écrit pour le retour de Charles Blégoudé en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un échange de correspondance entre le garde des Sceaux et le greffe de la Cour pénale internationale CPI, précise une source proche du dossier. Acquitté par la CPI il y a un an et demi, Charles Blégoudé vit depuis à La Haye, aux Pays-Bas, où il ne cesse de manifester son désir de rentrer chez lui. Place maintenant à la chronique sur les messages de haine. Parle, rassure-moi. Les relations entre les personnes ont toujours été semées d'embûches. Seulement, comme le constate un expert en résolution pacifique des conflits, les gens ont toujours eu tendance à recourir à la violence pour résoudre leurs différends. Selon lui, les parties en conflit devraient éviter d'associer leurs litiges à leurs diverses appartenances sociales. Et c'est le sujet de cette chronique sur les messages de haine que nous développe Ornella Mucho. Une violence commise contre une personne peut conduire à plusieurs groupes de gens, à une situation de polarisation. L'expert en résolution pacifique des conflits, Chartier Nyongepo, indique que plusieurs causes sont à l'origine, comme l'identification du groupe social. Et nous avons connu des tensions ou des guerres sociopolitiques depuis le temps de l'indépendance. Il y a des gens qui ont gardé des séquelles. Et donc, quand, par exemple, il est autour, il est tout sur les toits, ou quand il est du tel ou tel autre parti politique, au lieu de s'attaquer, au lieu de regarder en face la situation qui lui arrive, il commence à se poser la question de savoir, est-ce que tel ne s'est pas comporté envers moi de telle manière, parce que depuis longtemps, ça a été comme ça. Et au lieu de s'identifier dans la situation du problème en tant qu'individu, il commence à dire « nous, ces gens nous ont fait ça et ça, ça. Ces gens ne veulent pas que nous puissions... » Alors que c'est lui seul. C'est comme ça alors que la situation se polarise. Il souligne également le contexte sociopolitique qui influence le comportement des personnes dans des situations de conflit. Nous avons un grand problème où chaque personne s'identifie souvent à son groupe social. La plupart des gens, au lieu de s'attaquer au problème, au lieu de prendre du temps pour analyser la situation et comprendre ce qui a été à la cause de cette violence, on a tendance à d'abord identifier la personne. On commence à se poser la question de savoir qui est cette personne. Est-ce qu'il est pour nous? Et qui est cette personne? Est-ce qu'elle est de notre côté? Ou qui est cet individu? Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il est autour? Il est Tutsi? Parce que la plupart des Burundais maintenant s'identifient beaucoup à leurs appartenances ethniques. Selon lui, il faut éviter de lier ces conflits à un groupe d'appartenance quelconque. La plupart des personnes sont ignorantes et ne savent, elles ont besoin des capacités ou des compétences de pouvoir faire face à des situations problématiques sans toutefois lier ces situations avec d'autres facteurs imaginaires, si je peux le dire. Même si c'est souvent difficile de se déconnecter de l'histoire, de se déconnecter de l'expérience du passé. Il est toujours possible de prendre le passé comme le passé, il est toujours possible de prendre l'histoire comme l'histoire, mais avancer en tant qu'une personne ou en tant que des gens responsables, qui peuvent toujours faire face à des problèmes avec un esprit positiviste, si je peux dire ainsi. Chartier Ningeko regrette que la violence a toujours été utilisée comme une voie de solution à des problèmes quelconques. Merci Ornella Mucho. Un rappel des titres avant de nous séparer. Le président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi estime qu'il faut un peu de temps pour voir l'impact des mesures récemment prises par la Banque centrale. Dans une conférence de presse hier, Olivier Sougourou s'est montré confiant quant à la chute des prix dans les jours à venir. Un faible revenu et les conflits familiaux sont des conséquences liées à la limitation de la zone de circulation des motards, conducteurs de vélos et tuk-tuk à mairie de Bujumbura. 7 mois après sa mise en application, vous avez suivi les explications du professeur Jean-Marie Vianney Ndorichima et les relations conflictuelles entre les personnes et leur résolution pacifique. C'était l'objet de la chronique sur les messages de haine. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à François Kimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.